Asala, trois syllabes qui ont semé la terreur dans les années 80. Dans une France déjà frappée à plusieurs reprises par la violence aveugle du terrorisme proche ou moyen-oriental, surgissent de nouveaux activistes qui perpètrent de nombreux attentats, dont l'un, en 1983, causera la mort de 8 personnes. Des attentats revendiqués par l'Asala, c'est-à-dire l'armée secrète pour la libération de l'Arménie. Une organisation clandestine qui se bat à la fois pour la reconnaissance internationale du génocide arménien de 1915 et la réunification du territoire arménien réparti entre la Turquie, l'URSS et l'Irak. Une question se pose tout de suite. Pourquoi la France ? Notre pays, qui compte une importante communauté arménienne, n'est pourtant pas concerné au premier chef par cette cause douloureuse. D'autant que les nationalistes arméniens se sont jusqu'alors exclusivement attaqués à des objectifs turcs un peu partout dans le monde. C'est pourtant la France qui sera l'un des pays les plus durement touchés par les terroristes arméniens, puisque près d'un quart des attentats seront perpétrés sur notre sol. La France qui, paradoxalement, considère plutôt avec sympathie la cause arménienne. Elle l'a exprimée publiquement par la voix de messieurs Defferre et Mitterrand dès le début du septennat de ce dernier. On peut donc légitimement s'interroger et se demander avec M. X si cette violence ne cachait pas autre chose. Bref, les objectifs de la Sala étaient-ils strictement arméniens ? M. X a son idée. Bah écoutez, je voudrais quand même pas vous infliger un cours d'histoire. Encore que ça ne vous déplaise pas toujours. Bah écoutez, M. Prénaud, faut bien mettre les événements en perspective, comme on dit aujourd'hui, dans le jargon journalistique. Ouais, le jargon. Ouais, alors, bon, allez-y, je vous écoute là. Bien. Le peuple arménien n'a pratiquement jamais cessé d'être soumis et divisé depuis plus de 2000 ans par les occupants successifs, perses, grecs, romains, arabes, turcs et russes, et j'en passe. Enfin, ne remontons pas trop loin, c'est au 19e siècle que le nationalisme arménien se réveille. L'Arménie est alors sous le joug ottoman. Hein. Exact. Mm. Mais à l'est, depuis que les Russes se sont emparés du Caucase, certains Arméniens vivent sous la coupe des tsars. Toutefois, c'est vrai, l'essentiel du peuple arménien se trouve en Anatolie orientale, c'est-à-dire au sein de l'Empire ottoman. Et le sultan est bien sûr hostile aux nationalistes arméniens et il emploie la manière forte. Répression. Et massacre. Mmh. Dès 1895, on estime que 200 000 Arméniens sont alors assassinés. Ça recommence en 1909 à l'initiative de ceux qu'on appelle les jeunes turcs. Mais c'est surtout en 1915 qu'on va assister à un véritable génocide perpétré par l'armée. 1,5 million d'Arméniens sont massacrés. Les survivants fuient ou sont déportés. Certains sont même traités comme des esclaves. Ouais. C'est donc ça l'origine de l'existence de la diaspora arménienne. Oui, oui, les Arméniens vont essayer de trouver asile où ils peuvent. Et désormais, la seule Arménie sera l'Arménie soviétique. Mmh. Et les responsables de ce génocide ne seront jamais jugés. Non, c'est l'un des plus grands scandales de l'histoire. Pourtant, il y a eu des velléités de punir les coupables de ce massacre. En 1919, les Britanniques, qui occupaient alors Constantinople, ont mis en place des tribunaux de guerre. Mais étrangement, ces cours ont été rapidement abolis et les hommes qui avaient été condamnés ont été réhabilités à la faveur du traité de Lausanne, qui a d'ailleurs fixé les frontières de la Turquie actuelle. À partir de là, donc, il n'était plus question de rendre justice aux Arméniens, non, c'est ça ? Non, l'Arménie de l'Anatolie orientale n'existait plus officiellement. Sans compter que la Turquie, comme vous le savez, a toujours refusé d'admettre sa culpabilité dans les massacres. Encore aujourd'hui, le gouvernement turc proteste avec véhémence lorsque, quelque part dans le monde, un État se met en devoir de reconnaître enfin la réalité du génocide arménien. C'était le cas pour la France, hein, il n'y a pas si longtemps. Évidemment. Hein. Et pourtant, la Turquie a signé la motion de l'ONU définissant la notion de génocide telle qu'elle avait été exprimée dès 1945 par le tribunal de Nuremberg. Lors du procès des responsables nazis. Oui, mais malheureusement, en 1973, la sous-commission des droits de l'homme des Nations Unies refusera de considérer les massacres de 1915 comme un génocide. Et il faudra attendre 1984 pour qu'elle rende enfin justice aux Arméniens. Enfin, on peut se demander, enfin, pourquoi autant d'aveuglement, si longtemps ? La Turquie est un pays avec lequel il faut compter. Un allié au sein de l'OTAN. Mmh. Et pendant toute la période de la guerre froide, les Américains en particulier se sont refusés à condamner un pays qui abritait des bases militaires de l'OTAN et qui avait une frontière commune avec l'URSS. Ouais, c'est bien pratique pour espionner l'adversaire soviétique. Il y a installé des missiles, mais malgré la fin de la guerre froide, l'indulgence des États-Unis vis-à-vis de la Turquie continue. Il n'y a pas si longtemps, en l'an 2000, je crois me souvenir, le président Clinton a fait avorter un projet de vote du Congrès sur la reconnaissance du génocide arménien. Mmh. Et face à cet aveuglement de l'opinion internationale, alors, comment ont réagi les Arméniens ? Dans la diaspora, il a toujours existé des partis politiques qui réclamaient que justice soit rendue et que la Turquie reconnaisse enfin ses crimes. Mais jusque-là, cette revendication n'était accompagnée de nulle violence. Toutefois, en 1973, à Los Angeles, à la suite de la position prise par l'ONU, un peintre arménien reconnu, un homme de 70 ans, rescapé du génocide, a abattu deux diplomates turcs. Un geste isolé ? Oui, cet artiste n'appartenait à aucune organisation. Mais son acte va apparaître comme un déclic pour bien des Arméniens. Puisque la Turquie, se disent-ils, refuse d'assumer ses responsabilités, il est donc légitime de tuer ses représentants. C'est une sorte de feu vert donné au terrorisme. Hein. C'est vrai. Enfin, jusqu'à la boucherie d'Orly en 1983, la diaspora arménienne considérera généralement que les assassinats de fonctionnaires turcs sont une juste réponse à l'injustice qu'on continue de lui faire. Après tout, ces représentants de l'État turc sont les fils, les héritiers directs des bourdières. Enfin, d'accord, mais c'est mettre la main dans... C'est un redoutable engrenage. Vous avez raison. Je n'ai pas dit que j'approuvais non plus. Hein. Enfin, il faut bien comprendre que pour la majorité des Arméniens, la douleur est toujours là, bien réelle. 90 ans après. Oui, la plaie ne s'est toujours pas refermée. Mmh. Alors, quand est créée la fameuse Asala là ? Bah, tout au début de l'année 1975, donc très peu de temps après le double assassinat de Los Angeles. C'est à Beyrouth qu'un certain Agop Agopian crée cette armée secrète arménienne. Pourquoi Beyrouth ? Ah, ce n'est pas un hasard. D'abord parce qu'au Liban vivent de très nombreux Arméniens. Ensuite parce que Agopian et ses compagnons comparent leur cause à celle des Palestiniens. Comme eux, considèrent-ils, ils ont été chassés de leur terre. Comme eux, ils ne sont pas reconnus par la communauté internationale. Ah, et comme eux, ils vont se servir de l'arme du terrorisme. Hein. Exactement. Ils estiment que l'action pacifiste des vieux leaders arméniens est dépassée puisque depuis des dizaines d'années, il n'a donné aucun résultat. Agopian, non sans raison, se dit qu'on ne parlait pas de la cause palestinienne avant que l'OLP ne choisisse la voie du terrorisme. Par conséquent, il va agir comme les Palestiniens. Une sorte d'imitation. Hein. Ou d'identification. Et cette identification est d'autant plus forte qu'un homme comme Agopian a choisi depuis longtemps de combattre lui-même dans les rangs palestiniens. Alors justement, là, qui est cet homme ? Agopian, qui s'appelle en réalité Bedros Ovanessian, est né en Irak à la fin des années 40. 10 ans plus tard, sa famille émigre au Liban. Et c'est à Beyrouth qu'il va rejoindre l'organisation de Georges Habash, le FPLP. Un mouvement très radical. Oui, le FPLP, lorsque Agopian rejoint ses rangs, a déjà rompu avec l'OLP de Yasser Arafat. Et il rassemble toute une série de groupuscules extrémistes. Les terroristes. Bien entendu. Mmh. Mais, expliquez-moi là, que vient faire l'Arménien Agopian dans cette organisation palestinienne ? Il est sincèrement acquis à la cause palestinienne. En outre, ça lui permet de faire ses armes. Pour lutter plus tard contre la Turquie, oui. Ouais. Oui. Mais, alors, en somme, avec le FPLP, il s'entraîne. C'est ça, oui. Et il participe à plusieurs actions où, semble-t-il, il fait preuve d'un grand courage physique et il y gagne le surnom de Mujahidi. Le combattant, oui. Mmh. Mais vous avez dit qu'il semblait faire preuve d'un grand courage. Pourquoi ? Vous avez des doutes ? Écoutez, je n'étais pas là et vous savez bien qu'il n'y a rien de plus facile que de construire une légende. Ça compte énormément quand on a l'ambition de devenir un chef. Mmh, à votre avis, Agopian, qui est encore très jeune... Hein, a-t-il l'étoffe d'un chef ? Certainement. La preuve, c'est qu'il va regrouper autour de lui des dizaines, des centaines de combattants. Et puis, c'est un fanatique. Dans les rangs arméniens, on l'appellera même le fou. C'est-à-dire, j'ajoute, et c'est très intéressant, que Agop Agopian, au cours de ses années palestiniennes, a noué d'excellentes relations avec Carlos et le redoutable Abou Nidal. D'excellents professeurs, n'est-ce pas ? Et quand l'Asala passe-t-elle à l'action ? Peu de temps après sa création. Un diplomate turc est assassiné, début 75. L'organisation secrète revendique cette action, présentée comme la renaissance de la dignité arménienne. Est-ce que la Sala est la seule organisation arménienne ayant choisi le terrorisme ? Non, il existe aussi deux autres mouvements, la Nouvelle Résistance Arménienne et les Justiciers du Génocide Arménien. Mais la Sala, plus importante et mieux organisée, n'hésitera jamais à s'attribuer la paternité des attentats commis par les deux autres. Et au total, combien d'attentats seront perpétrés ? Entre 1975 et 1983, une bonne vingtaine de diplomates seront tués, dont 4 ambassadeurs et plus d'une centaine d'attentats frapperont des intérêts turcs un peu partout dans le monde. Agences de voyage, compagnies aériennes, consulats, etc. Mais ce qui est particulièrement inquiétant pour nous, Français, c'est le nombre élevé d'actes de terrorisme commis sur notre territoire. Et ce n'est pas un hasard. La création de la Sala en 1975 a suscité un grand espoir pour les jeunes Arméniens de la troisième génération de la diaspora. Ainsi, Judith Pereira peut écrire ceci dans Le Monde diplomatique du mois d'août 1984. Les jeunes, ainsi galvanisés, choisissaient d'agir directement ou bien se contentaient d'accorder leur soutien à la cause politique. Des partis traditionnels arméniens, tels le Tashnak, conservateur et pro-occidental, se virent contraints de créer leur propre groupe de guérilla, comme les commandos de la justice, pour éviter que les jeunes n'aillent rejoindre en masse l'Azala. Pour beaucoup, en effet, cette dernière apparaissait comme la base d'un vaste mouvement de libération arménien, et l'on vit surgir dans toute la diaspora des mouvements de même affinité. Ils se mirent à éditer leurs propres publications au contenu politique et révolutionnaire de plus en plus marqué. Vers la fin 1981, des discussions étaient engagées pour décider de la constitution d'une seule organisation rassemblant l'Azala et les mouvements populaires. À la fin de cette année-là, un programme en 8 points était mis sur pied, décrit comme la ligne politique à laquelle les mouvements populaires apporteront leur soutien. L'Azala y désigne ses ennemis, l'impérialisme turc soutenu par la réaction locale et par l'impérialisme international. Le principal moyen pour obtenir la libération des territoires arméniens est la violence révolutionnaire. L'Azala soutient ceux qui rejettent l'autorité des classes opprimantes. Elle s'emploiera à renforcer et développer les coalitions au sein du mouvement révolutionnaire international. L'ultime objectif est une Arménie unie, pourvue d'un système démocratique, socialiste et révolutionnaire. L'Azala prône la transformation de l'Arménie soviétique en une base révolutionnaire pour mener la longue guerre populaire. Autre élément frappant, l'Azala a commis très peu d'attentats là où elle aurait dû être la plus spectaculairement active, c'est-à-dire en Turquie même. Et pourquoi, à votre avis, hein ? D'abord parce qu'elle disposait de très rares soutiens sur place. La communauté arménienne avait été décimée. Ensuite, la Turquie traquait sans ménagement les mouvements révolutionnaires ou contestataires. Les Kurdes en savent quelque chose. Les Kurdes avec lesquels, d'ailleurs, l'Azala conclura des accords ponctuels. Donc, les Arméniens de l'Azala vont agir essentiellement en Occident, c'est ça ? Oui. Vous avez vous-même signalé le nombre important d'attentats commis en France. Alors, pourquoi ? Si vous le permettez, j'essaierai de répondre à cette question, mais un petit peu plus tard. Ah, je veux bien, mais enfin, vous pouvez quand même me dire si ça a un rapport avec le fait qu'il y a beaucoup de gens d'origine arménienne en France. Mais il est certain que les militants de l'Azala ont trouvé un terreau favorable chez nous. En tout cas, jusqu'au moment où Agopian se livrera à des actes de terrorisme aveugle. À partir de là, il sera massivement rejeté par la communauté arménienne française. Enfin, n'allons pas trop vite. Et pour satisfaire en partie votre curiosité, Monsieur Pénaud, voyons les premières manifestations de l'activité de l'Azala sur notre sol. C'est à quelle époque, ça ? L'événement le plus spectaculaire se produit en septembre 81. Un commando de 4 hommes armés surgit dans le consulat de Turquie à Paris. Un garde est tué et le vice-consul grièvement blessé. 60 personnes sont prises en otage. Et finalement, au bout d'une dizaine d'heures, les Arméniens finissent par se rendre à la police. Ils sont donc arrêtés, emprisonnés. Oui, mais quelques semaines plus tard, au cours d'un contrôle de routine, un dénommé Dimitri Giurgiou, en transit pour Beyrouth, est interpellé à Orly par la police des frontières. Ses bagages sont fouillés. On y trouve des tracts de l'Azala et des coupures de presse relatives à l'opération contre le consulat de Turquie. Ce Giurgiou est donc retenu. Et on s'intéresse à son passeport. Quelle nationalité le passeport ? Chypriote. Et c'est très intéressant car ce document appartient à la même série que le passeport détenu par l'homme qui a commis un an plus tôt un attentat à la moto piégée contre la synagogue de la rue Copernic. Mais j'imagine que son nom, là, Giurgiou, est un faux nom. Bien entendu. En réalité, l'homme s'appelle Melkonian et c'est le numéro 2 de l'Azala. Grosse prise donc. Oui. Mais une prise qui embarrasse au plus haut point le gouvernement français. Il détient déjà dans ses prisons les 4 hommes du commando du consulat turc. Il n'a pas très envie d'en rajouter, de peur de susciter des représailles de nouveaux attentats en France. Et le mieux serait de remettre Melkonian dans le premier avion à destination du Liban. Ouais, mais il y a quand même ce passeport. Un passeport qui indique clairement qu'il existe des connexions entre les terroristes arméniens et ceux du Proche-Orient. Ça intéresse bougrement la police. Aussi, alors que le responsable de l'Azala va être conduit à Orly, une fuite opportune dans la presse révèle toute l'affaire. Du coup, Paris ne peut plus extrader discrètement Melkonian comme on se proposait de le faire. Une fuite provenant de la police, c'est évidemment. Ça ? Ouais. Et l'Arménien est logiquement inculpé pour détention de faux passeports. Ouais, ça, c'est une inculpation bénigne, hein, quand oui, même. Et le responsable français espère bien qu'après un procès expéditif, une condamnation avec sursis, Melkonian sera expulsé au plus vite. Mais les choses traînent, et l'Azala n'imprécie guère. C'est-à-dire des menaces, non? Plus que des menaces, hein, des attentats à Beyrouth et à Paris, des jets de grenades et deux bombes qui, heureusement, n'exploseront pas. Mmh. À votre avis, là, ce sont seulement des avertissements? Oui, je le pense. D'ailleurs, des contacts discrets sont établis avec l'Azala par l'intermédiaire des Palestiniens. On promet que les détenus arméniens bénéficieront d'un statut de prisonnier politique et seront élargis au plus tôt. Alors, ça veut dire que l'Azala va cesser ses actions contre la France et les intérêts français? Provisoirement, oui. D'autant que le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, fait un geste important. Tout en déplorant l'utilisation de la violence, il déclare que la cause arménienne est juste. Mais les événements vont se précipiter au début de l'été 82. Il y a d'abord l'invasion du Liban par l'armée israélienne. C'est très grave pour l'Azala. Oui, parce que son siège se trouvait à Beyrouth. Oui, son siège, ses infrastructures. Les Israéliens, qui connaissent les liens qui existent entre l'OLP et l'Azala, s'attaquent à l'organisation arménienne. Ses dirigeants politiques sont obligés de fuir. D'autres sont confinés dans des camps. Agopian lui-même, après avoir organisé sa fausse mort dans l'effondrement d'une maison, se réfugie en Syrie. Et ça, ça va avoir des conséquences considérables. Expliquez-la plus précisément. La plupart des dirigeants de l'Azala étant neutralisés, Agopian va désormais régner en maître sur l'organisation secrète. D'autre part, l'offensive israélienne chasse l'OLP de Beyrouth. Oui, et Arafat est sauvé in extremis par la France. Oui, au grand dam de Sharon, qui aurait bien voulu se débarrasser du leader palestinien une fois pour toutes. Mmh. L'OLP trouvera donc refuge à Tunis. Agopian, lui, est en Syrie. En Syrie, où sont basées les organisations palestiniennes les plus extrémistes. Oui, à Bounidal, encore oui, une fois. Oui. Ces deux hommes sont faits pour se rencontrer. Ce sont tous deux des partisans d'une lutte à outrance contre l'impérialisme et le sionisme. Et ce sont aussi deux terroristes impitoyables. On estime en effet qu'à Bounidal, les responsables d'une centaine d'attentats, des actions meurtrières, qui ont causé la mort d'au moins 300 personnes. C'est lui qui est vraisemblablement le commanditaire du massacre de la rue des Rosiers. En 82 aussi. Hein. Oui, en août. Et au contact de ce chef terroriste, Agopian plonge à son tour son mouvement dans la violence la plus extrême. À l'aéroport d'Ankara, 24 heures avant l'attentat de la rue des Rosiers, une bombe provoque la mort de 11 personnes. Mais cette violence aveugle va aussi frapper la France. Il faut dire qu'avec la question arménienne, nous n'avons pas de chance. Et bien toujours en cette année 82, nous avons un hôte bien embarrassant. Un résident américain d'origine arménienne, accusé par la justice de son pays d'avoir commis un attentat. Oui. Et les Américains, enfin je l'imagine, nous demandent son extradition. Naturellement, c'est un prétexte formidable pour l'Azala. Un prétexte pour recommencer à perpétrer des attentats en France? Oui, sous couvert de protester contre l'extradition de cet homme et de réclamer aussi la libération des autres prisonniers arméniens. Les terroristes de l'Azala se manifestent en France à plusieurs reprises. En juillet et en août, menaces, colis piégés se succèdent. Alors même que de nombreux attentats sont commis en même temps par d'autres groupes, qui n'ont rien à voir avec les Arméniens. Oui, tout à fait. Sur ce plan, 1982 est une année terrible pour la France. Et aux yeux des spécialistes, il apparaît de plus en plus clairement que Agopian agit là en parfaite coordination avec Abou Nidal et son ami Carlos, qui multiplient eux aussi les attentats sanglants sur notre sol. Ça voudrait dire là, que l'Azala n'agit plus exclusivement pour la cause arménienne. J'en suis sûr. Et c'est aussi la conviction des responsables les plus perspicaces des services secrets. La meilleure preuve, c'est que malgré le fait que les autorités françaises donnent satisfaction à l'Azala, les attentats vont continuer après une courte trêve. Donner satisfaction à l'Azala, ça signifie quoi exactement? Refuser l'extradition de ce résident américain d'origine arménienne. On se débrouille pour que la justice le déclare inextradable. Et on l'expulse discrètement à Chypre. Il y a eu donc négociation avec l'Azala. Ça, j'en suis persuadé. Pas très glorieux cette histoire. C'est surtout parfaitement inutile. Car dès le mois de janvier 1983, les terroristes arméniens repassent à l'action. Et si réellement on a constaté une trêve, elle ne doit rien au fait que nous ayons cédé à l'une des principales revendications de l'Azala. 1982, année terrible du terrorisme en France, a dit M. X. Et face à cette vague sans précédent, les services spécialisés se trouvent fort dépourvus. Gilles Ménage, qui a été directeur de cabinet de François Mitterrand et chargé des questions de sécurité et de renseignement, l'explique ainsi dans son ouvrage « L'œil du pouvoir » paru en 3 tomes chez Fayard. La France, ayant été relativement épargnée par le terrorisme moyen-oriental, puisqu'elle était un simple théâtre d'opération ou un lieu de règlement de compte, conséquence des accords implicites ou non, ayant abouti à cette relative sanctuarisation, on avait quasiment négligé d'acquérir et de mettre en place les moyens de se prémunir contre les assauts du terrorisme que l'on qualifiait à l'époque du terme générique et inapproprié de palestinien. Lorsque pourtant la motivation existait par suite des attentats ciblés commis délibérément ou accidentellement contre des citoyens ou des fonctionnaires français, cas du terroriste de Carlos, les moyens mis en œuvre étaient essentiellement d'ordre policier. S'évertuer à capturer Carlos consistait à éliminer l'un des bras armés du terrorisme le plus violent. Bien que cette mission fût légitime et indispensable, elle ne pouvait tenir lieu de politique délibérée de lutte et donc de prévention contre le terrorisme. Carlos était une menace sérieuse et légendaire, parmi d'autres, moins célèbres, mais tout aussi redoutables. Et Ménage ajoute que la DST, notre service de contre-espionnage, répugnait à délaisser les espions pour les terroristes. Mais grâce à la nomination d'un nouveau directeur, Yves Bonnet, l'attitude de la DST va changer et le service va rapidement enregistrer des succès notables. À quoi doit-on donc cette trêve de Lazala ? Eh bien, en fait, que l'organisation terroriste chassée de Beyrouth doit se restructurer. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et dès que Agopian a reconstitué ses forces, il attaque à nouveau en France. Mmh. Et quels sont les objectifs visés ? En janvier, ce sont des grenades qui sont lancées contre une agence de la compagnie aérienne turque. Le même jour, à Orly, un engin de forte puissance est découvert au comptoir de cette même compagnie. S'il avait explosé, il aurait provoqué une véritable catastrophe. Un peu plus tard, une agence de voyage est visée par un attentat. Une Française est tuée. Mmh. Lazala a donc choisi là, délibérément le terrorisme aveugle. Incontestablement. Mmh. Mais je voudrais revenir moi, sur ce que vous avez dit précédemment. Là. Alors, il y aurait selon vous une sorte de pacte entre les mouvements terroristes les plus extrémistes. Une collaboration en tout cas. Est-ce que ça veut dire que derrière il y a comment dire, un cerveau? Un commanditaire unique, vous voulez-vous dire? Oui, je le pense. Cette campagne terroriste dont le point culminant sera le terrible attentat de Beyrouth où en octobre 83, plus d'une cinquantaine de nos soldats trouveront la mort est parfaitement coordonnée. Et les divers mouvements terroristes qui frappent chez nous sont manipulés. D'accord, mais par qui alors? Un petit peu de patience, monsieur Pénaud. Encore une fois. En tout cas, la lutte contre Lazala est devenue une des priorités de nos services, la DST en particulier. Et dans cette lutte, nous avons un allié inattendu, l'OLP de Yasser Arafat. Attendez, à cause des liens entre Agopian et le palestinien dissident extrémiste Abou Nidal? Bien sûr. Abou Nidal est l'un des adversaires les plus résolus du leader de l'OLP. Et d'ailleurs, il fera assassiner plusieurs de ses proches. Donc, il est logique que Arafat se retourne contre Agopian. Mais en outre, le chef de l'OLP a une dette envers la France. Il ne faut pas l'oublier. Mais comment se traduit concrètement cette alliance, hein? Un des dirigeants les plus importants de l'OLP, Abou Iyad, se rend discrètement en France à la fin 82. Il entre en contact au plus haut niveau avec des représentants du ministère de l'Intérieur. Et à cette occasion, il livre toute une série d'informations sur Lazala et ses dirigeants. C'est en particulier grâce à lui qu'on apprend que Agopian n'est pas mort à Beyrouth et qu'il a trouvé refuge en Syrie. Information capitale. Ce n'est pas tout. Abou Iyad fournit aussi une photo d'Agop Agopian. Et vous allez le voir, ce document va nous être très utile. Par ailleurs, à la DST, on se préoccupe d'essayer de recruter des taupes ou des indicateurs qui pourraient pénétrer Lazala. Et sans entrer dans les détails, je peux vous dire que bientôt, notre service de contre-espionnage va disposer de deux sources très fiables. Bon, vous voulez pas en dire plus, là? Quoi bon? Sachez seulement que l'un est un Libanais qui a très bien connu Agopian et son organisation quand Lazala était basé à Beyrouth. Et l'autre, alors? C'est une personne qui a une telle aptitude à recueillir les confidences sur l'oreiller que le service lui a donné comme nom de code une marque très célèbre de matelas. Mais dites-moi, on a de l'humour à la DST. Ah oui, mais ça n'empêche pas de faire du bon travail. Hein. Alors, ce travail, justement... Bah, grâce à ces deux sources, la DST apprend que Agopian va se rendre bientôt en France. Et comme le service dispose maintenant de sa photographie, on espère bien l'intercepter. Pour l'arrêter? Non. Non, ça ne servira pas à grand-chose, parce qu'à l'époque, il n'existe aucune preuve concrète établissant sa responsabilité dans les attentats. Voilà. Oui, donc on ne pourrait pas l'inculper, c'est ça. Ouais. Par contre, il serait très intéressant de savoir qui il va rencontrer en France. Enfin, d'identifier les membres de son réseau. Oui, ouais. Oui. Alors, c'est vraiment ce qui va se passer? Tout à fait. Lors de son arrivée à l'aéroport de Lyon-Saint-Olas, Agopian est immédiatement identifié. Mais pendant, j'imagine qu'il ne voyage pas sous son nom. Hein. Évidemment, il porte un nom arabe et dispose d'un passeport libyen parfaitement en règle. Ah, libyen, alors ce serait la Libye qui se trouverait derrière tous ces attentats? Je n'ai pas dit ça. Enfin, ça prouve au moins que Kadhafi est l'un des protecteurs de Lazala. La Libye avec laquelle nous sommes d'ailleurs en conflit au Tchad, tout se tient. D'accord, alors... Poursuivons là. Agopian, dès son arrivée, là, va être filé. Oui, une filature très minutieuse, très compliquée aussi, car Agopian est un homme rompu à la clandestinité et se méfie en permanence. Quoi qu'il en soit, cette opération qui mobilise de nombreuses équipes est un vrai succès. Agopian ne s'est jamais rendu compte qu'il était filé? Non. Et on l'a l'a laissé repartir comme il était venu. Mais dès son départ, la DST a commencé à exploiter les informations recueillies. Ses contacts. Oui. Ainsi, en organisant des écoutes, en tirant fil après fil, qu'une grande partie de la structure de l'Azala en France a été mise à jour. Alors, quelle était cette structure? Enfin, comment c'était organisé? Les policiers de la DST ont identifié le chef politique, un certain Avanessian, et le chef militaire, Varoujan Karbidjan, et toute une série de contacts dans la communauté arménienne. Alors là, il était temps de passer à l'action, hein? Ah, encore une fois, non. Il fallait obtenir des preuves de la culpabilité de tous ces gens. C'est-à-dire les prendre en flagrant délit? Ou démontrer qu'ils étaient en train de commettre de nouveaux attentats. Et grâce à nos taupes, nous savions qu'ils préparaient quelque chose. Par conséquent, il fallait se tenir prêt à intervenir. Mais là, les agents de la DST qui avaient fait un travail formidable vont jouer doublement de malchance. C'est-à-dire Garbidjian, le chef militaire de la branche française de l'Azala, était étroitement surveillé. Mais de temps en temps, pour ne pas éveiller ses soupçons, la filature était provisoirement abandonnée. Ça a été le cas à la mi-juillet. D'autre part, il était en permanence sur écoute. Oui, des écoutes téléphoniques. Oui, ses conversations étaient systématiquement enregistrées. Or, le 13 juillet, il demande à un nommé Nahir d'aller acheter plusieurs bouteilles de gaz. Pour préparer un nouvel attentat. C'est évident. Mais cette conversation en arménien est enregistrée le 13 juillet, veille du 14. C'est-à-dire un moment où, dans les services, beaucoup de gens sont en congé. Et la bande n'est traduite que le 15 juillet. Et c'est trop tard. Ce même jour, une bombe d'une très forte puissance explose au comptoir de la Turkish Airlines à Orly. Il y a 8 morts et plusieurs dizaines de blessés. Est-ce que vous pensez que si cette bande magnétique avait été traduite plus tôt, on aurait pu éviter ce massacre? Peut-être. Encore qu'on ne savait pas quel était l'objectif des terroristes. On savait simplement qu'ils se préparaient à agir. En tout cas, ça ressemblait à un ratage. Mais la DST s'est rattrapée très rapidement. 3 jours plus tard, tout le réseau arménien a été raflé et démantelé. Et son chef militaire, ce Garbadjian, a fini par avouer. Ouais, ça en était fini de l'Azala en France, alors. Oui, toutefois, d'autres terroristes arméniens s'en prendront encore à des intérêts français. Mais à l'étranger. En France, nous étions désormais débarrassés de l'Azala. D'autant plus que cette boucherie d'Orly a provoqué un véritable séisme dans la communauté arménienne qui a condamné avec la plus grande fermeté cet attentat aveugle qui ne pouvait que salir leur juste cause. Par conséquent, Agopian et ses affidés ne pouvaient plus compter sur la solidarité des Arméniens en France. Alors il est peut-être temps maintenant de me dire ce qui se cachait vraiment derrière ce terrorisme. Je vais vous donner une piste. 4 jours seulement. Après l'attentat d'Orly, l'Azala a publié un communiqué menaçant Paris et exigeant la libération de tous les prisonniers arméniens détenus en France. Ce communiqué a été émis depuis Téhéran. Ah, l'Iran. L'Iran des ayatollahs, oui. L'Iran qui se trouvait derrière la plupart des attentats commis en France, avec la participation ponctuelle des Syriens ou des Libyens. L'Iran, nous en avons déjà parlé, qui accusait la France de soutenir militairement l'Irak et qui réclamait en vain que notre pays respecte les clauses du contrat nucléaire Eurodif signé avec le Shah. Alors, d'après vous, l'Azala n'aurait donc été qu'une pièce dans ce dispositif terroriste destiné à frapper la France? J'en suis sûr. Tout comme le Hezbollah, Carlos ou encore Abou Nidal. Il n'est pas inutile de souligner que les terroristes qui sont à l'origine de la sanglante vague d'attentats en 86 en France, et qui étaient eux aussi manipulés par Téhéran, ont dans leurs revendications exigé la libération d'Anis Nakache, mais aussi celle de Karbidjian. Curieux, non? Une dernière question. Qu'est devenu Agopian? Il a été assassiné en 1988 à Athènes. Par qui? On a parlé de règlement de compte entre factions dissidentes de l'Azala, mais enfin, vous savez, on ne peut exclure qu'on ait fait taire définitivement un homme qui en savait trop. Le directeur de la DST de l'époque, Yves Bonnet, a fait dans son livre de mémoire paru chez Calman Lévy en 2000 un récit très complet de la traque des Arméniens de l'Azala. Enfin, je vous rappelle que c'est en 1998 que l'Assemblée nationale française a voté à l'unanimité la reconnaissance du génocide arménien. Elle a été suivie 2 ans plus tard par le Sénat.